il est en train de partir en biberine et alors c'est le moment de changer de mode de vie. Si t'es capable de changer le monde, tu fais quoi? Ben je le fais. Faire un projet autour des malades du sida par exemple, ou des personnes âgées. Prévention, éducation, distribution. On n'a pas le temps de mijoter nos petits préjugés. Là, on doit nous se réunir sur l'essentiel. L'essentiel, c'est protéger la planète, partager la richesse. Voilà, mais la richesse au bon sens du terme. C'est les gars.